Déborah Hung, une Mexicaine, a épousé l'une des plus grosses fortunes de la ville. Sur ses plaques minéralogiques, son prénom. Voici la dernière folie de la milliardaire. Une voiture de luxe unique, à plusieurs centaines de milliers d'euros, entièrement personnalisée selon ses goûts. Ici, j'ai mon miroir pour me maquiller. C'est la première fois qu'ils font une version aussi féminine. Là, j'ai mon frigo. Là, une télévision. Mais je ne sais pas comment l'allumer. Devant, j'ai l'emblème de la marque, tout en diamant. Ce sont des vrais diamants ? Oui, des vrais diamants. Stephen aime en mettre sur toutes ses voitures. C'est sa signature. Cette limousine est un cadeau pour la Saint-Valentin de son mari Stephen Hung, un mania de l'immobilier. C'était la première fois qu'il faisait cette couleur. C'est pour ça qu'ils l'ont appelée le rose Déborah. C'est une voiture de fille. Les garçons n'aiment pas être à l'intérieur. Ils ne se sentent pas très à l'aise. Déborah et son mari voyagent beaucoup. Avant chaque départ, la jeune femme aime trouver de nouvelles tenues. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec un jeune créateur de Hong Kong, capable de combler sa personnalité extravagante. Bonjour Herbert, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Je suis venue pour que tu me montres une de tes nouvelles créations. Parce que je pars vendredi en voyage pour une Fashion Week, et je veux porter une de tes nouveautés. Je veux vraiment quelque chose d'exceptionnel. Déborah aime la provocation. Elle commence par essayer la robe la plus sexy. Moi, je pense que ça va, mais c'est peut-être un peu trop provocateur. Oui, c'est trop pour Hong Kong. Le jeune designer lui propose alors un ensemble qui est, selon lui, plus passe-partout. Ça, c'est notre tenue pour aller au supermarché un peu habillée. Oui, aller au supermarché en pyjama. En pyjama chic. Exactement. À Hong Kong, tu peux vraiment mettre ce que tu veux. Ici, les gens se sentent en sécurité. Si tu vas ailleurs et portes un diamant, tu es effrayé de le montrer et tu le gardes caché. Mais ici, à Hong Kong, les gens peuvent se promener avec des objets précieux et ne rien risquer. Hong Kong a un des taux de criminalité les plus faibles au monde. Ici, les riches se sentent bien et n'hésitent pas à afficher leurs millions. J'ai voulu un jour acheter un cadenas dans un magasin de scooters. Et j'ai jamais trouvé de cadenas, donc j'ai demandé au vendeur où était les cadenas. Et le vendeur m'a dit, mais pourquoi un cadenas ? Pour pas qu'on me le vole. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu veux qu'on te le vole ? C'est ton scooter. Voilà, donc je pense que ça résume bien l'esprit ici. Il y a tellement peu de vols qu'il n'y a même pas de marché pour les antivols du scooter.